Mystère Babylone et pour la paix quand ça l'arrange. Je ne vois pas d'amour, hormis quand ça dérange. Mystère Babylone ne voit le monde que par profit. C'est lui qui fait les règles, alors il en profite. Il ne voit que la paix en lui, ils se croiront pour ça. Si tous les gens ont peur, alors les gens y croient. Si tous les gens veulent autre chose mais ne changent pas eux-mêmes. Si on voit tous un genre en oubliant qu'ils sont les mêmes. Qu'ils sont les mêmes. Qu'ils sont les mêmes. Qu'ils sont les mêmes. Qu'ils sont les mêmes. Qu'ils sont les mêmes. Qu'ils sont les mêmes. Surtout frangin, ne rejette pas la faute sur ton prochain. Si je vois juste un frère, c'est que c'est aussi le tien. Parce qu'il paraît que c'est la thune qui les rend fous, qui les rend dingues, qui les rend nous. Parce qu'il paraît que faire les lois n'est pas pour nous. Surtout n'oublie jamais que le peuple décide avant tout. Parce qu'il paraît qu'on est cramé, qu'on est camé, qu'on est comme des tous ces condés qui voient la paix mais pas sans paix, yeah. La paix vient de nos relations, alors tu crées des conventions. L'amour vient de nos frères et sœurs, alors tu crées la peur. Tu as fait croire que nous sommes bêtes, tu as donc créé des lois. Tu as posé plein de dettes mais sans demander le choix. Mister Babylone, trop peu de gens savent qui tu es. Ton passé fut la souffrance de mes frères appelés nègres. Si la ganja ouvre les yeux, ta police nous les ferme. La liberté nous change la vie, alors tu nous enfermes. Mister Babylone est pour la paix quand ça l'arrange. Il ne voit pas d'amour, hormis quand ça dérange. Mister Babylone ne voit le monde que par profit. C'est lui qui fait les règles, alors il en profite. Il ne voit que la paix en lui, il se croit bon pour ça. Si tous les gens ont peur, alors les gens y croient. Si tous les gens veulent autre chose mais ne changent pas eux-mêmes. Si on voit tous un genre en oubliant qu'ils sont les mêmes.